Chapitre 24e. Lorsque le comte Xavier se présenta devant sa tante, ce fut de l'air le plus modeste et le plus respectueux. Il n'avait pas le moins du monde l'apparence d'un homme qui vient de mystifier sa famille, et la bonne dame, qui s'était apprêtée à le recevoir froidement, lui ouvrit ses bras sans marchander. Il eut d'ailleurs le bon goût de ne point faire d'allusion à son prochain mariage avant que toutes les explications imaginables eussent été fournies par lui. Thécla, dans sa joie, éprouvait une frayeur secrète. Xavier lui paraissait tout changé. Ce n'était plus le beau garçon encore presque enfant qu'elle avait aimé. C'était un jeune homme à la tournure martiale, au discours ferme et décidé. S'il allait la trouver sotte à présent, s'il allait se repentir d'avoir voulu la prendre pour femme, la journée lui parut mortellement longue, car Xavier ne put lui dire un mot en particulier. Il ne semblait même pas souhaiter de la voir seule. Ce pauvre petit cœur en resta gonflé jusqu'au soir. Sur le seuil de sa chambre, en se retirant pour la nuit, elle rencontra Sava, roide et gourmée comme de coutume. « Il y a une lettre pour vous, mademoiselle, » lui dit-il de sa voix creuse. « Ciel, » pensa Thécla, « c'est la rupture. » Elle ouvrit l'enveloppe d'une main défaillante et lut trois lignes qui la rassurèrent, car elle s'assit dans un fauteuil tout rose et souriant de sa frayeur. Un petit paquet accompagnait la lettre. Elle le défit en hâte, et de belles larmes de joie tombèrent sur le présent qu'il contenait. C'était l'anneau d'or de la mariée. Elle le passa à son doigt, le couvrit de baisers, lui dit mille folies, et s'endormit aussi heureuse que le fut jamais jeune fille à la veille de ses noces. Le lendemain matin, la comtesse alla trouver son neveu, qui humait dans le parterre les douces senteurs de l'air natal. « Écoute, lui dit-elle, tu voulais te faire appeler, mais il n'y a jamais eu de dynamite. Comment pas de dynamite ? J'aurais voulu vous y voir, s'écria le fougueux jeune homme. Puisqu'il en est ainsi, venez, ô tante incrédule. Bon gré mal gré, il l'entraîna dans sa chambre, où régnait le plus magnifique désordre, et ouvrant une malle, il en tira un carton des profondeurs duquel il fit voltiger une multitude de dessins bariolés de crayons de toutes les couleurs. C'était la cause elle-même, dans toutes les attitudes, ainsi qu'il l'avait dit, et quoique le résultat de ses efforts ne fût pas aussi imposant qu'il l'eût souhaité, on ne pouvait méconnaître la sincérité de ses intentions. Ce n'était pas la faute de l'artiste, si voulant la rendre terrible, il l'avait fait grotesque. La comtesse regarda un instant ses témoins de la bonne foi de Xavier, ne pouvant, malgré toute sa politesse, trouver un mot d'encouragement pour le dessinateur. Quand elle eut recouvré la parole, « Alors, tu as failli sauter, malheureux enfant, » dit-elle, « qu'allais-tu faire ?»« Dans cette galère, je vous l'ai dit, ma tante, m'étourdir. Maintenant, parlons sérieusement. Promettez-moi de nous marier. »« Dans un an, » dit la comtesse, « dans 15 jours, ma tante, et je retournerai là-bas. »« Tu ne le peux plus, puisque tu as déserté la cause. »« Oh, ce n'est pas en Italie que j'irai. J'irai n'importe où. Il y a toujours de quoi s'occuper en Europe. » Et je continuerai mes études sur la dynamite. Je suis devenu très fort. Ma tante, donnez-moi Thécla, ou je pars demain. » Xavier était un des plus grands enjôleurs du monde. Moitié bon gré, moitié séduction irrésistible, il arracha à sa tante le consentement désiré et courut le dire à Thécla, qui faillit se trouver mal dans l'excès de cette joie inattendue.